Salut, moi c'est Harry. Arithmétique, et aussi curieux que cela puisse paraître, eh bien en calcul je suis nul. Si bien qu'en mathématiques, j'ai toujours préféré mes pneumatiques. Sauf que lorsque j'ai entendu que chez Citroën, ils proposaient 50% sur le deuxième pneu, plus la pose à 1 euro seulement, je me suis écrié « Enfin, une addition pas du tout gonflante !» Si bien que je me suis remis à aimer les maths tout autant que l'asphalte. Bref, merci plus merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 17 au 24 mars 2018 dans le réseau Citroën participant, conditions sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Théodora, prostituée et impératrice de Byzance. C'est le livre que vient de faire paraître chez Talendier Virginie Giraud. Et vous recevez Virginie Giraud, l'auteur de ce livre, cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Virginie Giraud ne craint pas d'affronter les arcanes sulfureux de l'Antiquité. Alors, prostituée et impératrice, entendons-nous bien, on devrait dire prostituée puis impératrice. Elle n'était pas tout à fait les deux en même temps, j'ai besoin de vous le dire. En tout cas, le destin qu'elle a choisi de nous conter des bas-fonds du cirque byzantin aux ors des palais de Constantinople mérite amplement le qualificatif de fabuleux. Et tout à l'heure, Lorena Martin nous fera visiter la bibliothèque byzantine. Oui, superbe fonds prisé des étudiants byzantinistes à la bibliothèque Sainte-Barbe. Quant à moi, je reviendrai aux origines de certaines traditions nuptiales, notamment celle de la jarretière de la mariée. Ah oui, vous l'aurez compris, cette émission aujourd'hui est un petit peu leste. C'est l'approche du printemps sans doute. Ah, Byzance, la pourpre, les ors, les mosaïques des basiliques. Byzance, la mère de Marmara, l'extraordinaire palais des empereurs, qu'on appelle les basileus, là-bas. Voilà un lieu qui évidemment fait rêver. Le personnage dont nous allons parler, Théodora, fait rêver plus encore. Elle aura connu l'un des plus prodigieux destins, une des plus étonnantes ascensions sociales de tous les temps. Destin exceptionnel au début du VIe siècle. On est en gros, pour vous donner un élément de comparaison, en France à l'époque de Clovis. Cette fille d'un gardien d'ours va devenir la plus fastueuse des impératrices, le genre d'élévation qui ne pouvait pas laisser indifférents les auteurs à travers les siècles. Il y en a eu avant Virginie Giraud, je vous prie de le croire. Elle le dit d'ailleurs, Virginie elle-même. Théodora ne cesse de fasciner depuis son arrivée au pouvoir, il y a près de 1500 ans. Ceux qui l'admirent voient en elle le modèle d'une femme forte, déterminée, capable de régner sur un empire alors qu'elle est née dans la fange. Ceux qui la méprisent redoutent la femme forte, déterminée, qui a su s'affranchir des règles sociales pour régner sur un empire en dépit de son sexe et de ses origines trop basses. On n'a qu'une seule représentation authentique de Théodora, c'est toujours la même sublime mosaïque qu'on voit et qu'on remet sans cesse. Elle orne l'église Saint-Vital de Ravenne en Italie. Il n'y a pas eu de crise iconoclaste à Ravenne, ce qui fait que beaucoup de ces représentations sont demeurées. La célèbre mosaïque, nous dit Joël Chevet, représentant auréolée d'or l'impératrice d'Orient Théodora, a laissé d'elle une image quasi divine. Alors, qu'en est-il de ces jeunes, de ces toutes jeunes années? Autant dire qu'elles sont assez mal connues. Ce que l'on sait de la jeunesse et de l'ascension de Théodora, on le doit essentiellement à un chroniqueur. Donc vous avez l'habitude de l'émission, maintenant vous savez à chaque fois, je dis attention, lorsqu'on a comme ça qu'une source, toujours un peu discutable. Le chroniqueur en plus, en l'occurrence, c'est Procope de Césarée, qui est un historien à peu près contemporain, un historien byzantin, qui a écrit sur le règne de l'empereur Justinien. Et comme il détestait tout particulièrement l'impératrice, inutile de vous dire qu'il ne l'a pas ménagée dans ses chroniques. Théodora, pour autant qu'on le sache, est née aux alentours de l'an 500, c'est-à-dire un siècle après la création d'un empire romain d'Orient séparé de l'empire romain d'Occident. On est aussi 20 ans après le dernier effondrement de Rome. À ce moment-là, Byzance est la seule héritière de l'empire romain. La ville a une position stratégique à cheval sur l'Europe et l'Asie. Il y a à Byzance, à Constantinople, si vous voulez, cet extraordinaire bouillonnement, tous ces marchands qui sont là avec une habileté byzantine. Hein, l'expression entrera évidemment dans la langue courante. Il y a aussi des armées très importantes. Le centre de la vie de Constantinople, c'est l'hippodrome. Imaginez un très vaste amphithéâtre tout en longueur, une piste de 400 mètres de long sur 150 de large, des tribunes gigantesques pour quelques 150 000 spectateurs. Il faut aller, lorsque vous allez aujourd'hui à Istanbul, il faut aller à l'emplacement de cet hippodrome pour prendre la mesure de ses dimensions. Paolo Cesaretti précise, là se concentraient les émotions et en même temps s'organisaient l'économie, le trafic, les approvisionnements. Il attirait cet hippodrome, les curieux, les parieurs avides et le peuple des passionnés qui soutenaient les deux équipes rivales, les bleus et les verts, selon les couleurs arborées par certains, héritières diminuées d'une tradition dans la première Rome. Alors, si je ne craignais les anachronismes, je dirais que les bleus, plus ou moins, représentent le parti conservateur. On verra tout à l'heure avec Virginie Giraud ce qu'il faut en penser, puisqu'ils sont aux mains des grands propriétaires fonciers, souvent d'origine latine, qui vont privilégier l'orthodoxie religieuse, alors que les verts feraient plutôt figure de libéraux et de populistes dirigés par des négociants d'origine diverse, favorables au libre-échange, aux dogmes orientaux qui sont en train de gagner peu à peu la société byzantine et notamment le dogme monophysite. Ces deux factions, donc les verts et les bleus, soutiennent chacune leur propre conducteur de char, des origines extraordinaires, hein, et c'est une position qui, vous l'aurez compris, est sportive, ça c'est évident, et d'une certaine manière, une opposition de parieurs et puis une opposition politique et presque sociologique d'une certaine manière. Certains des plus grands divertissements de Constantinople se déroulent à l'hippodrome ou dans les amphithéâtres que chaque faction a édifié à grands frais et où se déroulent les courses. Entre deux courses de chars, qui ont lieu à peu près toutes les 30 minutes, comme sur nos hippodromes modernes, il y a des attractions, ce qu'on appelle les buenaciones, des espèces de chasses aux animaux. Alors il y a toutes sortes d'animaux sauvages, hein, des lions, des ours, on donne des petits concerts, il y a des danses avec des jongleurs, des acrobates, c'est un peu l'ancêtre de notre cirque, si vous voulez, il y a des mimes, etc., des sauteurs, etc. Il faut préciser qu'à Constantinople, l'hippodrome est interdit aux prêtres, aux moines et aux femmes de la bonne société. On est quand même dans une société chrétienne, ne l'oublions pas, même si tout ça est empreint d'antiquité romaine, évidemment. Je vous ai parlé d'ours, il y a un gardien d'ours, on devrait dire d'our, hein, mais on a pris l'habitude de dire des ours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'essaie de tout de suite d'éviter les messages qui pourraient arriver sur Internet. Bon. Il y a un gardien qui s'appelle Akakios, il est belluaire de l'amphithéâtre, c'est lui qui non seulement est le gardien, mais aussi, si vous voulez, le dresseur, le gladiateur qui va combattre aussi les animaux sauvages. Eh bien, ce bonhomme, pas très fréquentable, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? C'est le père de Théodora, figurez-vous. Eh oui, on ne connaît pas le nom de la mère, on sait seulement qu'elle va tôt devenir veuve, puisqu'Akakios, qui est lié au vert, meurt sans doute d'accident ou de maladie vers l'an 503. Il devait avoir une trentaine d'années, il laisse la famille dans une situation très difficile et la petite Théodora va donc rester avec sa mère et ses deux sœurs, Comito et Anastasie. Entre parenthèses, ce sont des noms grecs et chrétiens, bien entendu. On est toujours dans cet univers chrétien, même si on pense que la veuve en question n'a pas tout à fait respecté les usages orthodoxes, évidemment. Elle aurait dû se mettre en rupture de la société, un petit peu en congé du monde. Là, ce n'est pas le cas. Elle continue de vivre en plein cœur de la cité. Et le moins qu'on puisse dire est que ses filles vont en faire autant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors nous suivons cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, le destin extraordinaire de la future impératrice Théodora dans la Byzance du VIe siècle. Vous nous l'avez raconté hein, juste avant la pause, sa jeunesse commence difficilement puisqu'elle perd son père très jeune. Sa disparition met la famille de Théodora dans la gêne. Alors comment la petite fille et ses deux sœurs vont-elles s'en sortir? Ah ben difficilement. Il y a cette scène très frappante qui est tirée des anecdotas de Procope de Césarée. Elle se passe dans le fameux hippodrome avec son atmosphère dont je vous ai parlé, cette atmosphère pleine de ferveur. Et elle montre les filles de la pauvre veuve qui supplie le public de donner quelques subsides. Il faut dire que leur beau-père, le nouveau mari de leur mère, si vous voulez, ou son concubin d'ailleurs, qui lui aussi est belluaire, donc lui aussi gardien d'ours, a été viré, si l'on peut dire, par le parti des Verts. Elles viennent demander qu'on leur donne de quoi vivre sous les huées des Verts, applaudis, encouragés par certains des Bleus. Enfin bon, Joël Chevet le note, l'anecdote est intéressante, qui la montre dès l'enfance plongée dans la violence des jeux du cirque, la fureur du public déchaîné et l'exacerbation des débats politiques et religieux. Dans la fournaise survoltée de l'hippodrome, elle acquiert une expérience de la foule qui lui sera précieuse lorsque, impératrice, elle sera confrontée à l'une des émeutes les plus meurtrières de l'histoire de Constantinople. Ça, nous y viendrons tout à l'heure. Alors, Que fait-elle, cette jeune fille, dans l'hippodrome avec ses sœurs? Eh bien, c'est là que les choses se corsent. Elles sont danseuses, si vous voulez. Danseuses nues, évidemment. Théodora est encore bien jeune, mais le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas froid aux yeux. Il faut l'imaginer. D'ailleurs, Joël Chevet, dans le même article, décrit sa méthode. Un petit le teint pâle et les yeux très vifs. Elle réussit à attirer tous les regards sur elle. Il est vrai qu'elle ne lésine pas sur les moyens. En fait, elle n'a pas d'autre choix que de montrer le seul trésor qu'elle possède, son corps. Entraînée dès son enfance à l'acrobatie, le funambulisme ou le lancer de disques, elle n'hésite pas à exhiber son impeccable plastique, un simple pagne autour des reins. Elle se produit aussi sur les planches des théâtres de la ville où les pièces classiques ne sont plus à la mode, remplacées par des satires, des bouffonneries et des mimes souvent très obscènes. Délivrée de toute pudeur, elle emprunte très tôt les chemins de la prostitution. C'est dit en termes fort élégants, ce ne sont pas les termes de Procope qui lui va plus loin évidemment. Et voilà ce qu'il nous dit lui. Théodora, étant impubère, ne pouvait coucher avec un homme ni avoir des relations sexuelles comme une femme. Mais elle couchait comme un garçon avec des misérables, à savoir des esclaves, qui, accompagnant leur maître au théâtre, profitaient de l'occasion pour accomplir cette funeste action. Virginie Giraud se montre sceptique, hein, j'aime autant le dire. Procope semble très au fait de la sexualité de Théodora avant ses 12 ans, ce qui ne laisse pas de nous étonner, dit-elle. Quoi qu'il en soit, Théodora va grandir, le temps passe, sa beauté la distingue encore et toujours, son corps qu'elle entretient par des soins quotidiens, hein, il faut imaginer qu'elle passe son temps au terme, il y a des massages, etc. Tous les soins qu'on peut prodiguer à une jeune femme exerçant le métier de Théodora à Constantinople. Vous avez bien compris qu'on a affaire à un personnage pour le moins déluré, qui a beaucoup d'amants. Je cite de nouveau Procope, attention. Avec ses amants, elle était malicieuse et naïve, les épuisant par des techniques d'accouplement toujours nouvelles. Elle réussissait à s'attacher pour toujours l'affection de ces individus dissolus. Il ne lui venait certes pas à l'idée d'être accosté par n'importe qui. Au contraire, c'était elle qui provoquait ceux qui se trouvaient là par ses petits sourires, ses drôles de déhanchements. Jamais il n'y eut de personne plus dépendante de toutes les formes du plaisir. Souvent, elle en venait à se présenter à un repas avec 6 jeunes gens, ou même plus, tous pleins de force et experts en activité sexuelle. Elle passait toute la nuit à coucher avec ses commensaux, et quand tous étaient épuisés, elle passait à leurs serviteurs, qui pouvaient être une trentaine. Oula, bon, en effet. C'est cousu de fil blanc, hein, oui. Cette histoire. Mmh. On voit bien qu'il s'en donne à cœur joie, Procope. C'est-à-dire que on imagine le rire gras derrière la provocation, l'idée de c'est salir vrai. Ainsi l'impératrice, la muse infiniment, il ne recule devant aucune exagération. Il serait simpliste et impropre d'assimiler l'expérience de la jeune Théodora à ce que l'on nomme prostitution, nous dit par ailleurs Paolo Cesaretti. Certes, c'est surtout elle qui choisit, qui demande, qui exige. La jeune étoile du mime s'attachait pour toujours l'affection d'inévitables et influents protecteurs. Certainement pas en percevant de l'argent conformément à des tarifs, mais en obtenant des dons. Bon, alors là, on entre dans le registre des courtisanes, c'est un peu différent. Elle a très tôt compris, Théodora, que si elle voulait sortir de la rue, il lui fallait infiltrer un certain nombre de milieux élégants. Sa situation est pour le moins ambiguë. D'un côté, elle est totalement méprisée à l'extérieur, on n'ose même pas la regarder. Et dès qu'elle arrive en privé, dans les grandes soirées de l'époque, d'un seul coup, tous ces messieurs n'ont Dieu que pour elle. C'est à qui l'aura pour maîtresse, à coup de dons de plus en plus extraordinaires. Et dans la masse de ses admirateurs, il y en a un qui sort du lot. C'est un riche Syrien qui s'appelle Ekebolos. C'est un haut fonctionnaire de l'Empire, chargé de gérer le gouvernement de la Pentapole, donc de la Libye supérieure. On ne sait pas comment elle s'est attachée à lui, on peut l'imaginer. Théodora, en tout cas, va le suivre dans son voyage. On est là en 518, voyage qui va durer 3 ans. Pas la relation avec Ekebolos. Procope raconte qu'elle offensa cet homme et fut chassée de sa maison. Elle tomba alors dans la détresse et pour gagner ce qui était nécessaire à la vie, elle fit de la prostitution de son corps son occupation habituelle. Et allons-y, et ça recommence. La vérité, c'est qu'elle va vivre d'expédients comme elle peut, à travers des villes extraordinaires de tout ce pourtour méditerranéen antique. Elle vit alors sûrement des moments difficiles, mais j'allais dire rassurez-vous, après tout, ça ne vous rassurera peut-être pas, mais une chose est sûre, sa vie est sur le point de basculer et ce que nous allons vivre maintenant va nous changer singulièrement de décor. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire de Théodora, nous sommes au 6e siècle, nous découvrons cette femme qui a été courtisane, qui a rencontré Échébolos, qui part en voyage avec lui et qui revient différente, Franck. Oui, et elle doit rentrer de Libye par ses propres moyens puisqu'elle s'est séparée, hein, elle est seule maintenant. Mmh. Elle va passer par Alexandrie, vous imaginez ce qu'a pu être Alexandrie à l'époque, et puis Antioche, la cité de tous les rêves. Et là, c'est un peu la lessiveuse, si vous voulez, ou pour employer l'expression de Madame de Sévigné, la savonnette à vilain. C'est comme si elle ressortait transformée de ces villes. Elle va apprendre à lire, elle se cultive, elle se raffine. Et il faut vous dire que pendant son voyage, elle a rencontré une certaine Macédonia, une danseuse qui est devenue voyante, qui a beaucoup de relations, etc. Et elles vont transformer le personnage, si je puis dire, à toutes les deux. Parmi les relations de Macédonia dans la bonne société byzantine, il y a un membre de la famille impériale, figurez-vous. Il y a le fameux Justinien. Il semble bien que ce soit la voyante qui les ait mises en contact. Une chose est sûre, une fois rentrée à Constantinople, Théodora n'est plus la même et elle va fréquenter ce haut personnage. Alors qui est-il, ce Justinien? C'est le neveu de l'empereur Justin Ier. Au départ, il est loin d'être d'origine patricienne lui-même. C'est une sorte de rustre originaire d'Illyrie qui ne savait pas lire quand il est arrivé à la cour. Il s'était lentement élevé des derniers rangs de l'armée jusqu'au pouvoir suprême, nous dit Antonin des Bidours. Il était marié à Lupicina, qui était sans enfant, et il va faire venir son neveu Uproda, qui est un fils de paysan comme lui. Et comme ce fils de paysan est le protégé de Justin, eh bien on va l'appeler le petit Justin, Justinien. On va lui donner une éducation, on l'élève comme un héritier d'empereur. Et en 521, alors qu'il a une quarantaine d'années, eh bien il est toujours célibataire, le petit Justin. Il a quand même 17 ans de plus que Théodora. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas un grand physique. Hein. Taille moyenne, assez corpulent, visage rond, sans grâce, avec une petite moustache. Son éducation a été sévère. Sur le plan des mœurs, il se tient tranquille. Et ça, c'est peut-être la clé pour comprendre ce qui va se passer. Justinien est quelqu'un qui ne pense pas à mal, qui n'a jamais fréquenté les femmes de mauvaise vie, vous pensez bien. Et le voilà qui d'un seul coup se retrouve face à ce phénomène. Vous imaginez, elle a été fabriquée pour séduire, elle, cette Théodora, elle a tout. Le regard, les formes, la personnalité, la culture, fraîchement acquise certes, mais qui est bien là, et dont elle va savoir faire le meilleur usage. Et puis surtout ce caractère, cette personnalité si remarquable et si coruscante qu'elle va finalement lui conférer un véritable ascendant sur Justinien. Justinien, ambitieux, froid et dissimulé, nous dit Joël Chevet, a découvert en Théodora une partenaire à sa mesure, sans illusion et sans scrupules. Souvent indécis et irrésolu, il a également trouvé chez elle une énergie, une volonté indispensable à la future souveraine d'un empire menacé à l'intérieur par l'anarchie sociale et à l'extérieur par les incursions étrangères. Oui, vous avez remarqué la date, hein, quand même. Là, on arrive quand même pas loin du milieu du 6e siècle. Si j'ose l'expression, ça commence à chauffer pour Byzance, bien sûr. Théodora va devenir la maîtresse attitrée du futur empereur. Elle est élevée au rang de patricienne. Ça n'empêche pas d'être détestée par la famille. Hein. La mère, notamment la tante de Justinien, qui le déteste. Hein. Cette impératrice Euphémie, dont je vous parlais tout à l'heure sous son nom de baptême. En bonne parvenue qu'elles sont, les deux femmes sont totalement snobs. Elles ne veulent absolument pas voir arriver dans la famille quelqu'un qui pourrait souligner leurs propres origines douteuses. En 523, à la mort de l'impératrice, Justinien prend son courage à deux mains et il décide. Ça a été pour lui le grand moment de sa vie. Mais il faut vous dire qu'il était poussé, il était quasiment sous influence. Il décide d'épouser Théodora. Pour en faire sa femme, il demande à l'empereur, à son oncle Justin Ier, de changer la loi qui interdisait à un sénateur d'épouser une danseuse. Or, Justinien est sénateur. Le mariage va pouvoir avoir lieu moyennant ce petit changement dans la législation. Mariage absolument fastueux. Théodora a maintenant 25 ans et elle est prête à devenir impératrice. Ça ne saurait tarder maintenant. L'autorité de Justinien, nous dit Virginie Giraud, le successeur officiel de Justin, l'autorité de Justinien était assez forte pour que personne n'osa contester ouvertement ses choix matrimoniaux. Théodora, quant à elle, avait su gagner, au moins en apparence, le respect des élites civiles et cléricales. Son intelligence, sa souplesse intellectuelle et son sens de l'adaptation lui avaient permis de répondre aux attentes de son nouveau milieu. Quant au peuple, pourquoi aurait-il fait montre d'un quelconque mépris ? Ne venait-elle pas, après tout, de leur monde ? Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est vrai que cette impératrice va connaître alors vraiment des moments très difficiles. Elle va tenir, si j'ose dire, l'Empire à bout de bras. On va y venir dans un instant. Avant cela, un mot des sources peut-être. Nous avons, je me suis complu, je le reconnais, dans la prose de Procope de Césarée, qui en fait des tonnes sur l'impératrice Théodora. Est-ce qu'on peut faire confiance à Procope, d'après vous ? Pas vraiment, effectivement. Donc, déjà, il faut bien comprendre que pour faire une biographie de Théodora, on entreprend quelque chose qui relève de la gageure. Ben oui, parce qu'il y a très peu de choses. Et oui, et notre source principale, comme vous l'avez dit, est Procope de Césarée. Le problème, c'est que Procope agit sur deux tableaux. D'un côté, il est l'auteur de la propagande officielle de Justinien, puisqu'il a écrit les édifices, les guerres, qui sont les grands livres qui clament les hauts faits de l'empereur et de l'impératrice. Et d'un autre côté, il déteste profondément cet homme et cette femme qu'il ne supporte pas, et dès lors que Théodora va mourir, il va écrire l'histoire secrète. Courageux mais pas téméraire, il attend qu'elle ne soit plus là, bien sûr. Exactement, il tenait à sa tête, je pense. Oui, oui. Et donc il va écrire l'histoire secrète où il va raconter ce qu'il estime être la vérité sur Théodora, ses origines extrêmement douteuses. Et évidemment, on pourrait se dire que Procope n'a fait que mentir, mais néanmoins, il y a un autre auteur de la même époque qui connaissait également Théodora, qui s'appelle Jean d'Éphèse, et qui nous disait que Théodora venait du Pornéon, du bordel. Oui. C'est donc bien qu'il était de notoriété publique qu'elle avait pratiqué la prostitution. Oui. Et de toute façon, le peu qu'on puisse savoir de ses origines est tout à fait conforme à cette idée. C'est-à-dire qu'on ne voit pas bien ce qui lui aurait permis de se hisser, si je puis dire, hors de la plèbe où elle vivait, sinon ses charmes. Elle a gagné le beau monde par ses charmes, d'une certaine manière. Elle a quand même fait un détour. C'est très important, ce voyage, non ? Et notamment le passage par Alexandrie et par Antioche. C'est quasiment un voyage initiatique. Elle aurait pu récolter un peu d'argent, prendre un bateau et rentrer à Constantinople, mais elle décide de traverser l'intégralité de l'Empire, de suivre les rives de la Méditerranée par l'Orient, et elle découvre dans ce voyage toute la société qu'elle peut croiser dans l'Empire, elle découvre des religieux, elle réaffirme sa foi, qui est probablement monophysite dès sa naissance, mais elle devient extrêmement croyante, elle va défendre d'ailleurs plus tard les moines monophysites, et elle va se créer un réseau à travers les hippodromes, dans toutes les villes, et rencontrer, comme vous l'avez dit, Macédonia qui va changer sa vie. Ah oui, cette Macédonia joue un rôle essentiel, on va y venir dans un instant. Puis on va revenir un peu sur Byzance, parce que pour tout vous dire, ce qu'il y a de fascinant, et c'est aussi sans doute ce qui vous a motivé dans l'écriture de cette biographie, c'est que ce qu'il y a de fascinant à travers le personnage tellement haut en couleur de Théodora, c'est qu'il nous permet de lever un coin du voile sur cet univers byzantin que nous avons tendance à négliger et à oublier un petit peu aujourd'hui. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Théodora, devenue la femme de Justinien, cette impératrice de l'Empire byzantin. Nous allons en savoir plus sur l'époque, sur cette femme, sur Justinien, grâce à votre invité Franck. Vous recevez Virginie Giraud, elle est docteur en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité, et elle est l'auteur de Théodora, prostituée et impératrice de Byzance, paru chez Talendier il y a quelques jours. Et c'est amusant d'avoir en arrière-fond, si je puis dire, ces accents du péplum de Bénure, parce que une grande partie de l'action, enfin toute la deuxième partie du film se passe à l'hippodrome, et l'hippodrome c'est le cœur de cette société byzantine où l'on peut voir décliner sur les gradins, si je puis dire, Virginie Giraud, toutes les strates de cette société, hein, avec la loge impériale, avec le petit peuple tout à fait là-haut, avec les bourgeois byzantins aussi qui jouent un rôle important. Il n'y a pas de prêtres quand même, or les prêtres jouent un rôle essentiel dans la civilisation byzantine. Il est vrai que l'hippodrome est un petit condensé du monde byzantin. Les prêtres ne participent pas aux jeux parce que les chrétiens, depuis les origines, ont toujours vu les jeux comme quelque chose de particulièrement néfaste, où il y a beaucoup trop de promiscuité, on est en relation avec des choses un peu trop éloignées du divin. Mais c'est quelque chose de très important et le peuple se presse aux jeux. C'est un moment de distraction et c'est aussi un moment de communication avec l'empereur. Comme vous l'avez dit, il y a cette loge impériale qui, pour le coup, à Byzance, est totalement séparée du reste des gradins, puisqu'elle communique directement avec le palais par une coursive. Et donc c'est une sorte d'annexe du palais d'une certaine manière. C'est l'ouverture du palais sur la cité. Une population très nombreuse, extrêmement efficace, très riche. Il faut dire que cette capitale d'un riche empire est fastueuse, tout simplement. Beaucoup de marbre. On est dans une Rome, il ne faut pas l'oublier. Depuis 476 et la chute de l'Empire romain d'Occident, la première Rome n'étant plus, si je puis dire, c'est la deuxième qui a pris le relais. On est dans l'évolution de l'Empire romain, une évolution chrétienne aussi, car ce qui nous paraît toujours un peu étonnant dans cette antiquité tardive et très tardive qu'est l'Empire byzantin, c'est que c'est un empire chrétien, bien sûr. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, Constantinople est la nouvelle Rome. Mais ce qui change avec la Rome païenne que nous connaissons tous, c'est que c'est une Rome, une nouvelle Rome qui est chrétienne. Ici, donc, l'empereur est une incarnation du choix de Dieu sur terre et il a pour but de communiquer la foi au sein de l'Empire et de combattre les hérésies qui sont très nombreuses à cette époque. Et nous avons en plus... Il faut dire que le christianisme est en train de s'installer progressivement de siècle en siècle et que donc le dogme n'a pas été intégralement fixé encore. On peut dire que c'est une jeune religion assez turbulente en effet. Et deux dogmes s'affrontent, les diophysites et les monophysites. En fait, l'un se demande si... la nature du Christ est humaine et divine, et les autres, les monophysites, se demandent si la nature divine du Christ a absorbé sa nature humaine. En réalité, ils pensent à peu près à la même chose, mais ils se disputent sur des mots. Fameuses querelles byzantines, en fait. Hein, exactement. C'est ça. Et ils se disputent surtout pour le pouvoir, puisque l'orthodoxie à l'époque, donc le dogme qu'il faut suivre, est diophysite, mais les monophysites se refusent à croire à cette croyance qui est celle de Rome. Or, il faut dire que Théodora, elle, est monophysite, vous nous l'avez dit. Ça joue un rôle essentiel, ça. Ça ne doit pas faciliter son intégration à la cour impériale. Comment est-ce qu'elle est entrée au palais, si je puis dire ? Justinien l'avait prise pour maîtresse. Comment a-t-il osé la présenter à son oncle ? Ça a dû être extraordinaire, cette histoire. Alors, nous n'avons pas de source vraiment fixe sur la façon dont les présentations ont eu lieu, mais on peut imaginer qu'elle intègre d'abord les soirées privées de l'empereur, et puis que petit à petit, elle est présentée à la famille impériale comme étant quelqu'un proche de l'entourage de Justinien, et pour le coup, elle n'apparaît plus comme une courtisane vêtue de manière légère et se déhanchant de manière un peu bouffonne dans les couloirs. Il arrive souvent que les anciennes courtisanes fassent du zèle et deviennent des femmes d'une rigueur quasi austère. Ça n'est pas le cas de Théodora pour autant, en tout cas pas dans les premiers temps. Dans les premiers temps, elle reste toujours très accorte, très spectaculaire. Alors il lui faut le temps de séduire Justinien et de se l'attacher évidemment, mais dès lors qu'elle devient impératrice et même... Et même Procope le dit, il ne peut plus rien dire sur son comportement. Elle est exemplaire, elle ressemble à une idole. Oui. Et elle avait évidemment ce complexe social qui s'attachait à ses pas. Vous le racontez d'ailleurs, hein. Vous dites « Théodora prenait un ineffable plaisir à dominer autrui, surtout des hommes issus de l'aristocratie. Un jour, un patricien vient lui demander une audience. L'impératrice le reçut, assise, impassible sur son trône, entourée d'eunuques à son service. Le requérant se plaignit amèrement qu'il avait des dettes parce qu'il avait prêté de l'argent à des hommes de la plus basse extraction. » Plus basse extraction que lui, en l'occurrence. Ces derniers refusaient de le rembourser, le mettant dans une situation délicate vis-à-vis de ses propres créanciers. Le vieil aristocrate fit part de sa honte. Il était inadmissible pour un homme de sa condition de vivre à crédit. Il finit son laïus en suppliant Théodora de contraindre ses débiteurs à le rembourser. L'impératrice écouta la plainte, puis lui répondit en chantonnant « « Oh, patricien, tu as une grosse bosse !» Et les eunuques reprirent en chœur les mots de leur maîtresse, comme dans les chants liturgiques, tournés en dérision, humiliés, le patricien quitta la salle d'audience. Elle se vengeait d'une certaine manière de ce que la vie lui avait fait subir ? Il y a quelque chose de l'ordre de la vengeance chez Théodora, effectivement. On sent qu'une fois qu'elle est parvenue au sommet de l'État, elle veut conserver sa domination sur le reste du monde. Il faut bien se mettre en tête qu'autrefois, c'était ses hommes qui la dominaient. Certes, elle les séduisait pour obtenir des choses d'eux, mais elle était tributaire d'eux. Et aujourd'hui, elle ne leur doit plus rien. Elle a le pouvoir de les soumettre. Quel plaisir ! Que va être le règne de Théodora aux côtés, j'allais dire, au-dessus de Justinien ? C'est ce que nous voyons dans un instant. Européen au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Théodora cet après-midi, cette courtisane devenue impératrice de Byzance. Nous allons plus loin, nous apprenons à la découvrir avec votre invitée Virginie Giraud. Elle est docteure en histoire, spécialiste de l'histoire des femmes et de la sexualité dans l'Antiquité. Et elle est aussi et surtout l'auteur de Théodora, prostituée et impératrice de Byzance, paru chez Talendier. Elle est monophysite, vous nous l'avez dit, mais son mari, l'empereur, et lui évidemment, il ne peut pas faire autrement, il est diophysite, lui, il n'a pas le choix. Exactement, il vaut mieux qu'il soit du côté de Rome avoir moins de problèmes, c'est mieux de s'entendre en tant avec qu'empereur, le pape. C'est mieux, oui. Et donc, comment ça se passe au sein du couple? Chacun assume sa croyance et son... Eh bien, je crois qu'en réalité, ils sont très contents d'avoir chacun un bord religieux différent parce que, comme ça, chaque part de la population, puisqu'en Orient, il y a beaucoup plus de monophysites que de diophysites, chaque empereur, elle se sent représentée, en fait, voilà, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mmh. L'impératrice, il faut que vous nous la décriviez, vous le faites admirablement dans ce livre, vous la montrez brillante, pleine d'humour, d'une grande assurance, parfaitement digne de la très haute fonction qu'elle exerce, c'est-à-dire que cette femme sortie de rien, qui a vécu toutes les vicissitudes sur lesquelles je me suis un peu appesanti tout à l'heure, va devenir une sorte de modèle non seulement de vertu mais de conduite. C'est assez étonnant, hein. C'est un modèle d'une certaine manière, cette Théodora. Pour les Byzantines de son époque, oui. Pas pour les aristocrates qui la détestent en secret, ça c'est certain, mais c'est un modèle d'ascension sociale très certainement pour le peuple qui l'adore. C'est une femme, comme vous l'avez dit, qui est extrêmement belle, qui a un caractère très déterminé, et dès lors qu'elle est devenue impératrice, elle ne paraît en public qu'avec les atours impériaux. Donc elle a un côté très hiératique, très respectable, et comme elle sait qu'elle peut être critiquable sur ses origines, elle va faire très attention à son comportement une fois au pouvoir. On ne la sent pas timide, embarrassée du tout. C'est-à-dire que dans sa position, on pourrait imaginer beaucoup de femmes dans une situation très... Elle pourrait hésiter, trembler en public, là, pas du tout. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, c'est assez étonnant. Elle n'a jamais été timide, effectivement. Oui, voilà, et puis oui. L'habitude de l'hippodrome, de la scène, lui confère une certaine aisance en public. Donc finalement, être impératrice est un rôle parmi d'autres. C'est un rôle qui l'amuse d'une certaine manière. Alors qu'il l'amuse, mais qui ne va pas être de tourpeau, parce qu'il faut que vous nous parliez un peu du contexte de son règne. C'est une période difficile, évidemment, pour le Basileus, pour l'empereur de Byzance. Hein. Effectivement, quelques années après l'arrivée au pouvoir de Théodora, il va y avoir à Byzance une énorme révolte comme il n'y en a pas eu depuis très très longtemps. Le peuple qui se regroupe à l'hippodrome cherche à se plaindre de divers petits problèmes, trop d'impôts notamment, hein, ce sont des choses qui reviennent régulièrement dans l'histoire. L'empereur ne veut pas céder parce qu'il a quand même un programme de restauration de l'Empire, il veut faire des conquêtes, il veut bâtir beaucoup de bâtiments, donc il a besoin d'avoir de l'argent dans les caisses et d'avoir des fonctionnaires qui sont intransigeants à ce sujet. Donc le peuple se plaint, mais Justinien ne cède pas, à tel point que le peuple va se révolter et va mettre la ville à feu et à sang. Et alors ça, c'est pour les problèmes intérieurs, qui ça fait quasiment une révolution, on peut dire. Elle va devoir affronter une révolution. D'ailleurs, ça va très loin quand même. Racontez-nous un peu, alors, moins que vous ne vouliez pas déflorer, mais ça fait partie de l'histoire quand même. Hein. Non, effectivement, la révolution va très loin. La ville est quasiment entièrement brûlée et Justinien et Théodora sont assiégés au sein du palais. De leur propre palais. Hein. Donc là, Justinien imagine quand même de partir. La mer est toute proche, des bateaux l'attendent, mais pour Théodora, qui a vécu une histoire si difficile, elle n'a même pas une trentaine d'années à ce moment-là. Ouais. Il n'est pas question de partir. Elle mourra impératrice dans le palais s'il le faut, mais ne fuira elle pas. Elle ne veut pas redescendre, elle, en fait. Hein, jamais. Ouais. Et effectivement, elle va donner une leçon de morale à Justinien et aux généraux qui sont là en leur disant que l'Empire est un beau linceul et qu'il faut se battre. L'Empire dont on parle, il peut faire penser par bien des aspects à l'Empire ottoman par la suite, hein, qui prendra la suite 800 ans plus tard. C'est quasiment tout le pourtour du bassin méditerranéen. C'est la Méditerranée, l'Empire byzantin. C'est considérable, bien sûr. Hein. Oui, quasiment. Surtout que Justinien va refaire la conquête de l'Italie. Mmh. Quelle est l'influence de l'impératrice sur son mari? Est-ce que c'est le règne de Justinien qui a joué un rôle très important, notamment sur un plan juridique, puisqu'il y a le fameux code. Est-ce que c'est l'œuvre de Justinien lui-même, ou est-ce qu'à travers Justinien, c'est l'œuvre de Théodora qu'on découvre ? Je pense que c'est une œuvre commune. Alors évidemment, Justinien est un grand législateur, il a de grandes ambitions pour l'Empire, il veut laisser son nom dans l'histoire, mais justement, il n'a pas choisi une compagne au hasard. Il a choisi une femme forte qui l'accompagnerait dans ses desseins, et elle a réellement des avis sur un certain nombre de sujets, notamment la condition féminine, et elle participe à changer l'histoire de Constantinople et à révolutionner les lois. Tout à l'heure, pendant l'interruption, Anissa, vous parliez de ses enfants. Est-ce qu'elle a eu une descendance ? Il faut que vous nous expliquiez cela. Théodora a manifestement eu une fille, peut-être la fille d'Ekebolos, peut-être la fille d'un autre de ses amants, on ne sait pas trop, on ne sait même pas le nom de cet enfant. Elle a peut-être eu un fils aussi, mais là ce n'est pas très sûr, on ne le sait que parce que nous raconte Procope de Césarée. Et pourtant, en tant que courtisane, à l'époque, elle a dû avoir beaucoup d'enfants, probablement. Enfin, elle a dû plus exactement être souvent enceinte. Alors les femmes à cette époque utilisaient des moyens de contraception et des avortifs, évidemment. Les chrétiens ne voulaient pas entendre parler de tout cela, mais elle ne pouvait pas se permettre d'avoir des enfants en tant que courtisane. Son corps était son outil de travail. Oui, bien sûr. Donc, est-ce qu'elle a des héritiers ou des héritières en dehors d'enfants ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont assumé l'héritage de Théodora ? Eh bien, je pense que celle qui a le mieux assumé l'héritage de Théodora, et encore sans en faire une publicité gigantesque, c'est sa nièce Sophie, la fille de Comito, donc la sœur aînée de Théodora, qui est devenue impératrice après Théodora avec Justin II. Oui. Et qui a un peu marché dans les pas de sa tante, oui. Complètement, si ce n'est qu'elle n'avait pas ce complexe d'infériorité de venir des bas-fonds, puisqu'elle est née dans l'aristocratie. Entre nous, petite question, je me suis souvent posé cette question d'ailleurs. Pourquoi Théodora, qui avait un tel souci de son image, et qui avait tellement lutté, qui avait vécu des choses terribles pour sortir de là où elle sortait, pourquoi n'a-t-elle pas fait elle-même sa propre publicité, si je puis dire? Pourquoi a-t-elle laissé un Procope de Césarée salir son image? Elle aurait pu faire écrire sa propre histoire. Peut-être que cette histoire a existé, mais qu'elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. Voilà, c'est ça. On peut imaginer qu'elle a d'une certaine manière établi la légende, et que cette légende a disparu, tout simplement. Comment meurt-elle, Théodora, elle-même ? Manifestement, elle serait morte d'un cancer ou d'une maladie dégénérative. On n'a pas une idée très précise de ce qui l'a tuée. Une source nous parle effectivement d'un cancer à un peu plus de 50 ans. Donc, elle meurt sans doute avec une grande dignité, puisqu'une femme de sa trempe ne se laisse pas aller, évidemment, et elle a le droit à des funérailles absolument magnifiques. On l'enterre dans un mausolée à Sainte-Sophie, et Justinien ne se remariera jamais, parce qu'il est éperdument amoureux d'elle, et jamais il ne trouvera une femme qui pourra la remplacer. Théodora l'irremplaçable, le véritable sous-titre de votre ouvrage, c'est « Prostituée et impératrice de Byzance ». C'est de Virginie Giraud, vous l'aurez compris, et c'est publié chez Talendier. Merci beaucoup de nous avoir fait rêver. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de Byzance, on rêve, c'est quand même c'est vrai. C'est la réponse aux auditeurs qui disent pourquoi encore Byzance ? Mais parce que Byzance, ça fait rêver. Ouais, tout simplement. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Théodora, l'impératrice de Byzance, depuis 14 heures. Il est temps maintenant de voyager et d'aller visiter la bibliothèque byzantine. Alors, je pensais que vous alliez nous emmener, décidément, vous me prenez à contre-pied tous les jours. Bonjour Lorena Martin. Bonjour Franck. Je me disais, ça y est, nous voilà partis pour Istanbul. Bah oui, pas du tout, on reste à Paris. Ah bon en fait. On reste à Paris, on va à la bibliothèque byzantine, qui fait partie de l'Institut des civilisations au Collège de France. Et il faut savoir que le Collège de France regroupe 13 bibliothèques, dont celle-ci. Il y a la bibliothèque d'égyptologie, d'études japonaises, chinoises. Oui, et tous ces départements de recherche, bien exactement. Sûr. Exactement. Et la bibliothèque byzantine est actuellement hébergée dans les locaux de la bibliothèque Sainte-Barbe, donc aux 4 rue Valette, dans le 5e, parce que son site d'origine est actuellement en travaux. Normalement, elle se situe au 52 rue du Cardinal Lemoine. Et cette bibliothèque, comme beaucoup d'autres, est fondée sur ce qu'on appelle un fonds, c'est-à-dire qu'il y a eu un don de bibliothèque déjà constitué, en fait. Hein. Oui, elle date de 1929. Cette bibliothèque, elle a près de 90 ans et on la doit à Thomas Whitmore, un érudit américain qui l'a fondée à Paris, conjointement à ses activités à l'Institut byzantin de Boston, aux États-Unis. Il était professeur d'anglais, archéologue, amateur, philanthrope. C'est un peu le père d'Indiana Jones, un peu. Voilà, défenseur du patrimoine. Et il va consacrer sa vie à trois domaines qui lui tiennent particulièrement à cœur, l'archéologie, la conservation et les bibliothèques. Et il a joué un rôle dans la conservation des mosaïques de Sainte-Sophie et de Saint-Sauveur d'Istanbul, notamment. Quand on suit des études byzantines, il vaut mieux aller quand même fréquenter cette bibliothèque. C'est où qu'on concrètement, donc, parce que c'est pas au Collège de France même. Non, en fait. C'est donc aux 4 rue Valette, voilà, dans le 5e. Et donc, dès le début de sa création, le but de cette bibliothèque est d'accompagner le travail des chercheurs et des étudiants byzantinistes et des spécialistes vraiment du monde entier. Et on retrouve donc les archives de Thomas Whitmore, qui sont bien sûr conservées dans d'autres endroits en France et aux États-Unis, mais à la Bibliothèque byzantine de Paris, le fonds d'archives est en cours d'ailleurs de numérisation, on m'a dit. Et donc, il couvre toutes les activités de Thomas Whitmore de 1890 à 1950, toutes ses missions en Égypte, en Russie, en Grèce, en Turquie, tout le développement des études byzantines. Combien de livres sur le monde byzantin ? Il y a près de 50 000 ouvrages, oui, voilà, français et étrangers, sur la civilisation byzantine depuis la fondation de Constantinople jusqu'à sa chute. Je me mets à la place d'un auditeur ou d'une auditrice qui n'habite pas trop loin du 5e arrondissement, qui a envie d'y aller cet après-midi. C'est aussi simple que ça ? Non, c'est pas tout à fait simple. On y va bien sûr pour des raisons soit professionnelles, soit personnelles, mais il faut toujours bien sûr justifier voilà, un besoin ponctuel de consultation de ces collections. Sinon, l'accès est bien sûr réservé aux enseignants, chercheurs, étudiants à partir du master et parfois de licence. Merci beaucoup, Lorena. Finalement, nous avons voyagé d'une autre façon, mais les livres, c'est aussi une belle façon de voyager. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est un retour aux origines consacré à un accessoire souvent au cœur des mariages, c'est jarretière. Elle vient d'où cette jarretière ? Alors la tradition dans le mariage, pour tout vous dire, c'est très difficile à dire. C'est une tradition populaire relativement moderne. Il s'agit, vous savez, on met en vente la jarretière de la mariée en faisant lever la robe de la mariée. On fait monter les enchères. C'est une façon tout simplement de financer une partie du mariage. Oui. Ou le voyage de noces, ça peut arriver aussi. Bon, y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas trop cette tradition. Ça se fait de moins en moins. J'en fais partie, hein, pour tout dire, je trouve ça bizarre, moi. Mais enfin bon, bref. Alors, la jarretière, en tant que telle, elle apparaît au 12-13e siècle, au niveau du jarret. D'où son nom, évidemment. Au départ, ce n'est pas un accessoire spécifiquement féminin. Il y a des jarretières pour les hommes et des jarretières pour les femmes. Et la plus célèbre de toutes les jarretières, si j'ose dire, elle appartient bien sûr au roi Édouard III. Vous connaissez cette histoire ? Il y a un bal. La comtesse Jeanne de Salisbury perd par mégarde sa jarretière pendant la danse. Les gens commencent à sourire, voire à rire et à penser à mal, n'est-ce pas ? Et le roi Édouard, qui donc est l'amant de la belle Jeanne, se baisse, ramasse la jarretière, n'est-ce pas ? Et il l'attache autour de son propre genou. On y soit qui mal y pense, n'est-ce pas ? Ça va être l'origine d'un ordre de chevalerie parmi les plus prestigieux de la planète. Sa fondation date précisément de 1348. Et puis, on a tout ce qui s'attache à cela, toutes les cérémonies. Inutile de vous dire que quand c'est aujourd'hui la reine Élisabeth qui préside les cérémonies de la jarretière, ça n'a pas tellement spécialement de connotation sexuelle. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.